S'il y a bien un seul jeu vidéo qui pourrait prétendre à une récompense aux Oscars, c'est bien The Last of Us. Juste pour l'histoire qui nous sert, le jeu de ses acteurs, sa direction, ainsi que sa bande-son qui est juste simplement magnifique. The Last of Us est tout simplement le meilleur jeu qui est sorti sur console. Salut Fred, bon, par rapport à The Last of Us, je suis plutôt Abby que Ellie. Donc celui qui n'est pas content, filez pas mon adresse. Oui, je suis pour Abby, salut. Ouais Frédéric, bah voilà, je viens de finir The Last of Us partout et je suis dévasté. Oui, bonjour Frédéric, ce serait pour savoir si quelqu'un avait une PlayStation pour que j'essaye Last of Us. Salut Blockbuster, je voulais revenir sur les critiques des joueurs lors de l'annonce en vidéo de l'homosexualité d'Eli. Lorsque je l'avais moi-même découvert, j'étais très content pour la communauté LGBTI qui voit de plus en plus de figures culturelles à laquelle s'identifier. Donc je comprenais pas les critiques des joueurs. Et c'est encore mieux lorsque les créateurs du studio font de cette homosexualité quelque chose de tout à fait classique, banal et non pas un débat. Bref, grand studio que Naughty Dog. Bravo à eux. Le meilleur jeu solo de tous les temps. Franchement, j'ai jamais eu autant d'émotions sur un jeu. Et mon mari et moi, on est complètement fans. On écoute ton émission en replay à chaque fois qu'on est en voiture. Et là, j'attends juste le prochain trajet pour écouter The Last of Us parce que, voilà, on a trop, trop hâte d'en parler. Voilà, merci pour tout et à très bientôt. Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Sans blague! Mais vous pensez que j'appelle pour commander une pizza? Ouais, bonjour, j'appelle pour commander non pas une, mais cinq pizzas parce que mes copines tortues végétariennes viennent ce soir à la maison faire la fête de 17h à 18h. Merci! Be or not to be, not to be. Le réel m'ennuie. Mon camarade Guillaume Meurice déteste la fiction, moi je déteste le réel. Regardez les pandémies dans les films. En général, c'est des sentiments forts, des gens qui courent, qui essaient de mettre leurs proches à l'abri. Les pandémies dans le monde réel, c'est Jean-Michel qui fait une vidéo Facebook parce qu'on l'a pas laissé rentrer sans masque au Leclerc de Sartrouville. C'est décevant. William Wallace dans Braveheart qui crie « Liberté !» Ça a quand même une autre gueule que Pascal Praud qui fait la même chose sur CNews. Le réel manque de chef-op, de monteur, d'éclairagiste. D'ailleurs, globalement, la vie manque d'un bon metteur en scène. J'ai remarqué que moi, souvent, dans la vie, je suis triste, et eh bien, il pleut même pas. Rien. Les gens, ils continuent d'avancer en s'en battant la race. Les films qui s'appliquent à faire un copier-coller avec le réel n'ont pour moi aucun mérite. Jouer à un migrant qui a peur de l'expulsion, bah j'ai envie de dire évidemment que tu le joues bien, il y a malheureusement trop de références. Sigourney Weaver qui joue la peur sur un fond vert face à une balle de tennis qui sera remplacée par un monstre de l'espace en post-prod 6 mois plus tard, là il y a du challenge. La fiction est qualitativement mieux produite que le réel. Les tortues dans les fictions, elles battent des lièvres à l'athlétisme. Elles s'appellent Franklin, elles portent une casquette, elles vont à l'école. Des fois elles connaissent même le ninjutsu, ils font des arts martiaux. Une tortue en vrai, tu lui mets un emballage de canettes de coca ou un masque FFP2 sur son chemin, elle est en galère. Non, définitivement, me dites pas que le réel, c'est pas ennuyant. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Il y a des plaisanteries qui durent parfois plus longtemps qu'on ne l'imaginait et qui peuvent totalement changer votre existence. Lorsque Kevin Eastman et Peter Laird, deux sénateurs sans le sou, blaguent entre eux en dessinant des tortues maniant des armes de ninja, ils ne se doutent absolument pas qu'ils sont en train de créer une des figures les plus immédiatement reconnaissables de toute la pop culture, les tortues ninja. Bande dessinée, jouets, dessins animés, films, les tortues ninja sont devenus un phénomène qui a très vite dépassé de très loin les ambitions initiales de leurs créateurs. Pour revenir sur ces quatre tortues qui continuent encore aujourd'hui de vivre des aventures toujours, si ce n'est plus réjouissantes, j'ai avec moi Sullivan Rowe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la collection iComics, label qui publie entre autres Rick and Morty, les Tortues Ninja et tout un catalogue de titres indépendants. Et vous êtes également ex-rédacteur en chef de comicsblog.fr et également fondateur du réseau Arts. tout à fait, tout est vrai. Précisons que le tome 11 des Tortues Ninja est sorti hier et le tome 2 des Tortues Ninja classiques sortira en octobre. Avec nous également Lionel Viana Correa, bonjour. Salut tout le monde. Vous êtes administrateur de Tortue Ninja France et webmaster de Tortupédia. Exactement. Et enfin, Philippe Touboul, bonjour. Bonjour les gens. Vous avez été longtemps libraire et vous êtes le traducteur. Vous avez notamment traduit le premier Tortue Ninja Classics. Exactement. Ensemble, on va retracer l'histoire des Tortues Ninja, leur mythologie, qui est liée à un autre grand héros de la bande dessinée américaine, Daredevil. On parlera de leurs évolutions sur les différents supports, jouets, télé, cinéma, et à quel point ça a eu un impact sur leur médium de base, la bande dessinée. On verra que les Tortues Ninja, contrairement à ce que l'on pourrait penser, sont toujours bien vivantes, à l'écran comme sur papier, et n'ont même jamais été aussi intéressantes à lire que maintenant. Allez, j'en rêve depuis le début de l'émission. Kowabunga ! Depuis 15 ans maintenant, nous vivons tous ici, mais avant cette époque, j'étais l'animal de compagnie de mon maître Yoshi. J'ai imité tous ses mouvements dans ma cage et j'ai appris l'art secret du ninja. Quand nous avons été forcés de venir à New York, je me suis retrouvé pour la première fois sans un toit, errant dans les égouts, trouvant ce que je pouvais dans les ordures. Et puis, un jour, je suis tombé sur un bocal de verre brisé et quatre bébés tortues. C'était où ? Oh, non ! Les pauvres petits pataugeaient dans un étrange liquide verdâtre, dégoulinant d'une boîte cassée en métal. Je les ai rassemblés dans une grosse boîte à café. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai eu un choc, car ils avaient doublé de taille. Et moi aussi, je grandissais, l'un d'eux parla. Pizza, pizza. Puis d'autres mots suivirent, et je commençais leur formation, où je leur enseignais tout ce que j'avais appris de mon maître. Radical, radical, radical. Et bientôt, je leur donnais à chacun un nom. Leonardo, Michelangelo, c'est moi, Donatello, et Raphaël. C'était un extrait des Tortues Ninja, le film de Steve Barron, sorti en 1990. Philippe Touboul, oui. Comment Kevin Eastman et Peter Laird ont-ils eu l'idée des Tortues Ninja ? Alors, comment savoir ? Même eux, je pense, encore aujourd'hui, toutes ces années après, se posent la question. En fait, ils partageaient un petit studio, c'était deux dessinateurs débutants, extrêmement, qui cherchaient vraiment encore assez jeunes. Laird est un peu plus vieux que Eastman, mais bon, c'était la post-adolescence pour tous les deux. Ils vivaient ensemble, ils avaient lancé un petit fanzine où le héros était un androïde bizarre. Un fugitoïde. Exactement, le fugitoïde qu'on retrouvera après dans la PD d'ailleurs. Et puis un soir, ils disent pas trop, mais de beuverie, on peut imaginer. Il y en a un qui a commencé à crayonner une tortue debout, humanisée avec des nunchaku. L'autre a trouvé ça fun, il a fait sa version. Et puis ils en ont ajouté trois autres. Et puis ils ont eu une pile de dessins, un dessin avec les quatre. Et tout est parti de là. Ils ont trouvé le nom rigolo en associant les quatre. Teenage Mutant Ninja Turtles. Et après, ça a roulé tout seul. Et depuis, ça n'a jamais arrêté de rouler, d'ailleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que initialement, c'est vraiment un réseau de distribution totalement indépendant. C'est-à-dire que pour chaque comic book publié sur leur argent propre, c'est envoyé par la poste. Tout est fait de manière très, très artisanale. Ils venaient de Nouvelle-Angleterre, là-haut, vers le Maine, par là. Et ils faisaient beaucoup de conventions. C'est-à-dire qu'ils venaient eux-mêmes avec leurs copies, leurs petits comics, et ils les vendaient eux-mêmes. Et ils en ont tiré quelques milliers du premier. Avec l'argent de l'oncle de Kevin Eastman, qui doit être content de son majesté. Il aura fait un prêt sans condition. Et ils ont tout vendu. Et puis ils ont réédité 2000, 6000. Puis le numéro 2, ils l'ont tiré direct à 5000. Et puis, voilà, un rêve d'éditeur, quoi. Et ils l'éditaient tous les deux mois, une fois tous les deux mois. C'était pas régulier. On était vraiment très loin du système Marvel, DC Comics. Ah oui, alors c'est tout un pan de la culture comics américaine. C'est l'auto-édition qui a, au tout début des années 80, a commencé à prendre un peu d'ampleur, notamment à la suite de ElfQuest d'un côté et de Cerebus de l'autre. C'est les deux grands modèles économiques, entre guillemets, que Eastman et Laird suivaient, quoi. Ils voulaient faire comme ça, conserver la propriété de leurs personnages et créer ce qu'ils voulaient sans être embêtés par une grosse maison derrière qui leur imposerait quoi que ce soit. Sullivan Rouault, j'ai parlé d'un autre grand héros du comic book américain, Daredevil, qui est lié, beaucoup de gens l'ignorent, mais à la mythologie, à la genèse des Tortues Ninja. Bah, fatalement, ouais, parce qu'en plus, on est en plein dans les années 80, c'est en 84 qui crée les Tortues, et donc là, on est à deux doigts d'assister à l'avènement de Frank Miller, notamment, et de son run historique avec John Romita Jr., entre autres, et puis Innocenti et d'autres, sur Daredevil. Et un des aspects, je pense, fondateurs sur les Tortues, c'est vraiment le côté parodique, et à la fois, on transmet des valeurs super saines et punk, mais on est aussi un peu dans la gaudriole, quoi. On est là un peu pour se marrer. Et donc notamment l'élément le plus criant, c'est le clan foot, donc le clan pied en français, qui est en fait une réponse à la main, qui est le clan ninja, qui menace Daredevil, qui était vraiment une des très grandes nouveautés de Daredevil dans les années 80, avec voilà, avec ce super héros qui allait se taper contre des ninjas à New York, qui est un peu une image qui est restée après très forte dans la pop culture. Et d'ailleurs, les tortues ont repris Daredevil, qui est devenu aveugle à cause de produits chimiques et qui lui sont tombés comme ça sur le visage. Et c'est à peu près ces mêmes produits chimiques qui seraient à l'origine de la création c'est pas à peu près. On voit même Daredevil dans le premier épisode. Il apparaît, il aide un aveugle. Tout à fait, ouais. À ne pas se faire écraser par un camion, la bouteille tombe, elle le rend aveugle. La suite chez Marvel, pendant ce temps-là, le produit tombe dans les égouts et les tortues se transforment. Et jusqu'au nom de Splinter, parce que le maître de Daredevil qui lui apprend les arts martiaux, c'est Stick, bâton, et Splinter, le maître des tortues, lui, c'est, on pourrait traduire par écharde, qui est aussi un lien supplémentaire avec Daredevil. Donc voilà, Daredevil, c'est la BD parente des Tortues Ninja. Et alors, initialement, le style des Tortues Ninja n'a rien à voir avec les tortues qu'on connaît. C'est assez sombre. Les tortues, c'est des guerriers un peu anguleux, avec des yeux tout blancs. Tout est en noir et blanc. Il n'y a pas encore de couleur pour les distinguer. Il y a un côté vraiment assez urbain dans les premières tortues et dans les rééditions que vous faites paraître en ce moment. Bah, c'était punk. C'était du comics indé, comme l'a dit Philippe. Et surtout, évidemment, ils imaginaient pas une seconde le destin qu'ils auraient derrière en jeu vidéo, en tant que grosse licence, hein, parce qu'on pourrait énumérer tous les médias, ils les ont fait. Et ils avaient envie d'accompagner cette révolution dans les comics, qui est un peu, pareil, encore une fois, des années 80, juste avant le Dark Age, Alan Moore et tous les sorts de ces très très grands auteurs qui ont placé la BD américaine dans une dimension plus adulte. Eux, même en tant que méga fans de Jack Kirby, puisqu'ils sont ultra fans de Jack Kirby au point d'aller le rencontrer en convention, ils avaient vraiment envie de un des grands dessinateurs le plus grand peut-être dieu des comics effectivement qui a créé nombreux personnages chez Marvel. Quatrième monde chez DC Comics, tout à fait fantastique. Le monde chez Marvel Comics. aussi. Et ils avaient vraiment senti en fait ce changement de paradigme dans l'industrie des comics, et donc ils avaient envie de proposer quelque chose de plus sombre tout en gardant cette parodie, voilà, on a parlé d'Daredevil et ainsi de suite, en se prenant pas trop au sérieux non plus, et paradoxalement en étant ami avec les plus grands auteurs de l'époque, puisque Kevin Eastman après va avoir une riche carrière d'éditeur aussi et va travailler avec les plus grands. Lionel Viana, à quel moment exactement dans cette circuit de l'auto-édition on assiste à un changement? C'est la rencontre avec Friedman? Exactement. En fait, déjà il faut s'imaginer que le premier comics qui est sorti en 84, Eastman et Laird à ce moment-là n'avaient pas prévu de faire de suite. Pour eux c'était juste un délire pour rendre hommage aux œuvres qu'ils avaient aimées et qui avaient bercé leur enfance. Et c'est en voyant les ventes du premier numéro qu'ils vont commencer à s'imaginer une suite. C'est en août 86 que Mark Friedman va venir vers eux. Entre 86 et 84, faut imaginer qu'ils ont essayé de vendre des t-shirts avec des logos imprimés, des badges, des petits livrets, rien de très important. Et Friedman, il va sentir ce potentiel dans les Tortues Ninja. Friedman, c'est quelqu'un qui, alors, était serveur dans sa vraie vie, et mais qui mettait un costume pour avoir l'air crédible. Exactement. Mais qui avait été formé, il me semble, par un des grands créateurs du jouet G.I. Joe. G.I. Joe. Et qui cherchait justement des licences pour donner des nouvelles licences justement à sa nouvelle compagnie, Surge Licensing. À partir de là, donc, il va envoyer un message à Eastman et Laird, il va les rencontrer. Alors Eastman et Laird s'en moquaient un petit peu, je pense, parce qu'ils n'étaient pas leur première personne qui venait frapper à leur porte. Ils les reçoivent en pantalon et en chemise. Enfin, en short et en chemise. Et ce qu'ils voulaient avant tout, c'était avoir les droits pour faire un dessin animé. Et ils savaient que pour faire un dessin animé, l'intérêt c'était de faire des figurines pour toujours vendre plus et accaparer de plus en plus d'argent. Sauf que Eastman et Laird ne voulait à aucun moment perdre le côté créatif et la main sur la licence. Et ça, c'était la condition qu'ils avaient imposée à Mark Friedman pour la suite des choses. Ben on va continuer d'en parler, mais il faut rappeler qu'au plus fort de la Turtle Mania, on a eu des films aussi, et notamment un rap et un rappeur, Vanilla Ice et son fameux Ninja Rap, la BO des Tortues Ninja 2. Cette émission est réalisée par Céline Hila, Jeanne Paravert et Alice Delcourt l'ont préparée, aidée par Tom Malkin, notre stagiaire, et aujourd'hui à la technique, le grand Fabrice Desmaz. Yo, it's the Green Machine, gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with a new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the Ninja Turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go, go, go, go. Go, ninja, go, ninja, go. Go, ninja, go, ninja, go. Alors, il faut le savoir, ce morceau dure 8 ans. C'était Vanilla Ice avec le fameux Ninja Rap. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter et on parle toujours des Tortues Ninja en compagnie du directeur de collection d'iComics, Sullivan Rouault, du webmaster des Tortupédia, Lionel Viana Correa, et du traducteur, Philippe Touboul. J'ai pas besoin de voir ça, je vais faire un tour. Raphaël, où est-ce que tu vas? On est privé de sortie. Ça m'est égal, il faut que je m'occupe, sinon je vais devenir dingue. Allons trouver un spot de skate. Un spot de skate? Oh, super idée, je te suis. Et Maître Splinter, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas ce qui se passe, car ils sont partis en douce pendant mon sommeil. Ah, c'est vraiment mature, ça, y a pas à dire. Moi, je suis le chef de la bande, et en tant que tel, je décide que personne ne sort. Eh bien, en tant que membre de la bande, on décide de sortir quand même. En tant que chef, je vais venir avec vous, car je suis censé veiller sur vous, et aussi montrer l'exemple. C'était un extrait du dessin animé des Tortues Ninja de 2003. Et Sullivan Rouault, on vient d'entendre la dynamique familiale de ces tortues, qui, il faut le rappeler, sont des ados en fait. Tout à fait. Bah, c'est dans TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle. Le Teenage est là pour rappeler qu'ils sont adolescents. Ce qui est un peu une base aussi des comics, en fait. C'est pour le degré d'identification avec le public qui est visé à l'époque. Et ça permet à la fois de toucher les enfants et aussi les grands enfants que sont les adultes qu'on représente aujourd'hui autour de cette table. Ouais, est-on vraiment des adultes? Je ne sais pas. Presque. Joker. On essaye. Et alors, il y a vraiment ces rapports familiaux qui sont installés entre Splinter, qui est la figure paternelle. Alors, dans certaines versions, c'est le rat, qui a touché le mutagène et qui est devenu un grand rat avec une intelligence humaine. Dans d'autres, c'est une réincarnation d'un samouraï justement ou d'un ninja du clan foot. Mais il y a toujours cette logique quand même de famille de garçons. Ouais, c'est ça qui est marrant avec les tortues, c'est qu'en fait, il y a plein de grands codes que Lionel peut détailler en tant qu'expert absolu des tortues sur tous les médias, notamment Splinter en tant que figure paternelle, la galerie de vilains aussi, qui est quand même à peu près toujours la même avec les Shredder et d'autres. Moi, Shredder est évidemment Krang aussi, qui est l'autre grand vilain des tortues. Et en fait, toutes ces bases thématiques sont les mêmes dans toutes les incarnations, que ce soit le dessin animé des années 90, le dessin animé de 2003, le dessin animé tout récent Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles, les comics aussi, et dans certaines versions que moi je préfère, effectivement les tortues vont être incarnées, et dans d'autres versions elles ont juste touché c'est juste des animaux qui ont touché du mutagène, qui sont devenus grands, qui sont réfugiés dans les égouts et qui ont essayé de combattre la pègre new-yorkaise à partir de là. Lionel Viana, c'est justement avec le dessin animé qu'on a commencé à voir quelques petites, vis-à-vis du matériel de base, notamment avec April O'Neil, qui logiquement était une scientifique qui travaillait auprès de Baxter Stockman, et qui, avec le dessin animé, devient une journaliste. Voilà, c'est ça. En fait, pour adapter le comics, ils ont forcément dû édulcorer beaucoup de choses. Alors déjà, ils vont mettre des couleurs aux bandanas des tortues, d'une part pour les différencier. Avant, on ne pouvait les différencier que par leurs armes en noir et blanc, donc c'était pas forcément très simple, et on n'y arrive pas forcément sur chaque page. Ils vont également introduire l'élément de la pizza, qui est l'élément un petit peu fun, la malbouffe pour les adolescents. Ils vont introduire plein de petits mots, Kawabunga, Radical, tout ça. Et ils vont introduire également, après le Nil en tant que journaliste, pour avoir un côté peut-être un peu plus comme Lois Lane dans Superman. La femme à sauver, mais également reporter au centre de l'action, qui pourrait rapporter des informations beaucoup plus facilement pour les tortues, pour qu'elles puissent intervenir, effectivement. Alors ce qui est étonnant, c'est que elle avait du coup un statut plus développé dans le comic book d'origine que dans le dessin animé qui a suivi. Exactement, le dessin animé finalement, elle est malheureusement mise seulement comme personnage à sauver, elle n'a pas vraiment de développement, voire quasiment aucun. Or que dans le comic, effectivement, c'est un personnage qui est beaucoup moins présent, mais quand même beaucoup plus de profondeur. On aurait presque tendance à la voir comme un esprit maternel pour contrebalancer avec Splinter. Philippe Touboul, il y a aussi cette dimension de caractère, de caractérisation des tortues, c'est-à-dire que chaque tortue a son caractère bien précis. Donatello, c'est plutôt le geek de l'équipe, le Tecos. Raphaël, c'est le bagarreur, qui a du mal avec l'autorité. Le rebelle, ouais. Alors, Eastman et Laird avaient déjà bien posé les bases de tout ça, parce que quand même les personnages se ressemblant énormément, et à l'origine étant noir et blanc, ayant le même costume, un bandana rouge, à part les armes, comme dit Lionel, il y avait rien d'autre pour les distinguer. Il fallait quand même que leur personnalité diverge un peu. Donc il y avait le chef très droit dans ses bottes, Leonardo, le rebelle, le technicien, et Michelangelo, il savait pas trop quoi faire, donc ils en ont fait le plus teenage des quatre teenage Ninja Turtles, le plus ado, rigolo, quoi. Et puis, il y a cette galerie, donc, de méchants, et avec Shredder, qui est donc le leader du clan Foot, les ninjas qui s'opposent aux tortues. Mais il y a aussi toute une galerie de personnages secondaires qui prennent de plus en plus d'importance dans l'histoire à l'origine, mais même ensuite dans les autres versions. Casey Jones, ce justicier vigile, c'était, comme c'était ça. La grande mode. Oui, au milieu des années 80, le Punisher, tout ça, les gars qui descendaient avec leurs armes à eux. Et qui faisait la justice parce que vraiment il y en avait marre. C'était tout à fait à l'ordre du jour. Eux, ils ont pris le pendant de lui donner du matériel sportif. Donc c'est assez rigolo. Il a un masque de hockey et se bat avec une canne de hockey, une batte de baseball. Un des trucs très fascinants des Tortues Ninja, c'est que toutes ces idées franchement potaches que par deux mecs dans leur sous-sol, qui sont devenus des bandes dessinées plus en plus connues et qui ont connu d'autres versions, jeux vidéo, films, eh bien. La plupart des idées débiles qu'ils ont eues se sont retrouvées dans toutes les versions. Ce qui prouve quand même la force de ces idées. La force d'une idée débile. Voilà. C'est que c'est forcé. Parfois, c'est, elle n'était pas aussi débile. Lionel ? Ouais, pour revenir sur Casey Jones, par exemple, on parlait de la partie édulcorée du dessin animé. Il ne savait clairement pas comment faire dans le dessin animé. Il n'en voulait pas. Finalement, Casey n'arrivera que dans la troisième saison. Et ils vont essayer d'effacer ce côté bourrin et un peu justicier sans loi, en faisant tout simplement un imbécile, qui n'apparaîtra que dans 6 épisodes sur 193, alors qu'aujourd'hui, Casey Jones est quasiment un des personnages indissociables de l'équipe des Tortues aux côtés d'April. Et surtout, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que on parle de tortues qui vivent dans les égouts, qui se cachent de la population, parce qu'évidemment, des tortues de taille humaine, ça aurait tendance à effrayer la populace. Il y a l'aspect ninja, mais il y a aussi un aspect science-fiction qui est très très développé. Les tortues ninja sont un comic book de science-fiction. Ça vient en fait du duo. C'est pas souvent qu'une bande dessinée aussi importante, enfin qu'une bande dessinée tout court d'ailleurs, soit créée à 50% par deux deux auteurs. On n'a pas dit d'ailleurs, et les deux écrivent, les deux dessinent. Tout se mélange dans leur studio. Et d'un côté, Kevin Eastman, c'est le rebelle, celui qui a sûrement inventé Casey Jones, le côté roots, punk, un peu, ça vient de lui. L'air des plus posés, et lui, c'est lui le fan de science-fiction, Krang, tout ça, ça vient de lui. Et donc, c'est le télescopage de ces deux personnalités qui étaient quand même pas si semblables. Ils se sont bien entendus longtemps, mais ils se ressemblent pas tant que ça, Eastman et Laird. Et ils donc, le télescopage des deux, comme souvent, les grandes choses se créent quand deux personnalités se frottent un peu, et là, c'est le cas. Et ils ont vécu de manière un petit peu paradoxale la popularité de grandissante des tortues avec le dessin animé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus sur la mythologie des tortues, sur les personnages, etc. Et eux-mêmes, des fois, ont vu leurs tortues prendre des directions qu'ils n'auraient pas forcément pris tout seuls. C'était un choix qu'ils ont eu. À partir de 86, juillet 86, ils vont dessiner et scénariser leur dernière aventure ensemble, c'est le numéro 8 des Tortues, qui est sorti chez iComics l'an dernier. Et à partir du numéro 9, ils vont encore le scénariser, mais ce sera Michael Dooney, qui est un dessinateur que j'adore, qui va le dessiner. Et à partir de là, ils ne seront plus que sur le scénario et commenceront à s'effacer de plus en plus. Ils vont agrandir Mirage Studio, donc la petite entreprise qu'ils ont créée. Ils vont faire venir beaucoup plus de monde, Jim Lawson, Michael Dooney, Ryan Brown, etc., pour intervenir et un petit peu faire ce qu'ils n'avaient jamais pu faire avant, c'est-à-dire pouvoir poser leur nom dans une entreprise et avoir leur chance. Et à partir de là va arriver ce qu'on appelle la guest era, entre le numéro 22 et le numéro 45, où ils vont tout simplement faire venir des gens qu'ils aimaient beaucoup. On a du Zully, on a du Rick Veitch. Et du Corben aussi. Il y a du Corben dans le numéro 33. Richard Corben. Exactement. Qui vont en fait tout simplement avoir carte blanche pour mettre les histoires qu'ils veulent, dessiner ceux qu'ils veulent, comme ils veulent. Alors, il y a du très très bon, comme du beaucoup aussi moins du bon, mauvais, ouais. Mais là ils ne voulaient plus en fait s'en occuper, tout simplement parce qu'ils devaient s'occuper également de la licence dessin animé, objet, etc. C'était très compliqué. Alors les Tortues Ninja, c'est forcément des souvenirs pour pas mal de monde, des goûters entre potes, des figurines, donc n'hésitez pas à remplir notre répondeur de vos récits au 01 56 40 30 20. Et j'ai envie de vous dire, notre vie n'a aucun sens. Un jour, une tartine tombe du côté confiture et le lendemain, non. Une preuve supplémentaire que nos vies, c'est le chaos. On va écouter le groupe Terre Noire dans une émission sur les Tortues Ninja. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur, alors je te dis ces choses, ce monde dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le cœur. Être au cœur avec ce que je ressens, avec ce que tu es. J'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, d'hiver à l'envers. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. décidément. Mon âme sera vraiment belle pour toi. C'était Terre Noire dans Blockbuster sur France Inter. En route pour Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist. Les Tortues Ninja ont été adaptées au cinéma en 1990 et, est-ce nécessaire de le préciser, vous imaginez bien, les Tortues Ninja au cinéma, à la sortie, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est quand même pas un film qu'on va se mettre sous la dent comme ça et qu'on va savourer pendant une demi-heure. Oh bah non, moi j'ai à dire que c'est que je trouve ça laid et débile et puis c'est tout. C'est drôle pendant 5 minutes et après ça devient évidemment extrêmement répétitif. Alors il y a ces personnages, les tortues ninja. Bon, sont des mutants, je vais pas me lancer dans ce machin, vous savez ce que c'est. Puis si on savait pas, c'est pas grave. C'est une horreur, c'est affreux à regarder. Non. Alors c'est pas parce que ces monstres sont gentils et qu'ils viennent au secours des gens. En plus, quelle idéologie dégueulasse. Bon, excuse-moi. Bon, maintenant, faut qu'on a besoin des mutants pour remettre de l'ordre, non mais ça va pas. La matière dans laquelle sont les tortues ninja sont faites ressemble à ces jouets, vous savez, qui marchent depuis quelques années, c'est très à la mode, ça tremble un peu comme de la gelée et on dirait que c'est sculpté dans de la morve séchée. C'est aussi emmerdant qu'un film de Branson. Ça m'a dégoûté des pizzas, j'aimais les gens. Moi je conseillerais pas d'y emmener les enfants, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vraiment, moi si j'avais des enfants tout petits, ils en seraient privés. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Sylvain Rouault, vous avez grandi dans les années 90, moi également. Il faut bien que les auditeurs se mettent dans la tête que les Tortues Ninja, le film de Steve Barron, qui en plus a réalisé, je l'ai découvert en préparant cette émission, le clip de A.A. Take On Me, dont on a passé hier un extrait dans l'émission Tout est recoupé, tout se recoupe, de Last of Us, c'était un événement incroyable. C'est-à-dire, c'était un énorme, ça a été un blockbuster comme les autres pour nous. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les années 90, donc au plus fort de la Turtlemania et de la Batmania en face, puisque c'est vraiment les deux licences qui, à ce moment-là, accaparent toute la pop culture, Spider-Man peut-être un petit peu en retrait, et puis bah, Star Wars, c'était une fois tous les X années, donc on en oui, parlait un peu moins. Mais effectivement, voir les tortues qui sont un peu, c'est l'apex, c'est l'âge d'or, quoi, débarquer et envahir le monde comme ça, parce que moi, ce film, quand j'en parle surtout avec des amis brésiliens ou costariciens, j'en sais rien, le film est sorti partout, et partout, ça a été une petite révolution, parce qu'il y a un côté certes très régressif comme le disaient les gens dans l'extrait que t'as diffusé, mais en même temps quand t'es enfant et que tu rêves d'États-Unis et que enfin tu vois New et York, puis c'est un film très honnête par rapport au matériel de base. Moi j'ai l'impression qu'il y a même pas besoin de le préciser, le premier film est très bien. En plus il a cette anecdote sur la première VF qui est absolument croustillante, qui malheureusement a été refaite et qui est difficile à trouver en dehors des circuits un peu pirates aujourd'hui, mais autant le second et le troisième film voilà sont beaucoup plus discutables, autant le premier est tout à fait honnête, et notamment bah, cette scène de fin, Shredder sur le toit et tout, encore une fois, c'est une idée potache, facile, tout ce qu'on veut, mais elle est éternelle, elle fonctionne, et il y a quelque chose de très... Enfin voilà, moi Elias Coteas qui joue Casey Jones, tout à fait aussi, et Casey est trop marrant dans le film en tant que tel, dans ce qu'il incarne et puis dans le degré d'identification qu'on peut en avoir nous du seul humain qui est pote avec ses tortues et puis lui-même a un passé qui fait que voilà, il juge pas les autres à leur apparence et tout. Et puis tout Raph, le trench coat, tout ça, enfin ouais, non, ça fonctionne. Et puis, très les bien. Tortues sont faites par l'atelier de Jim Henson qui a fait les Muppets. C'était un très gros pari. En fait, quand ils ont lancé le film, il faut se remettre dans le contexte, le dessin animé venait à peine de sortir, les jouets n'étaient même pas encore en magasin. Ils ont commencé à en discuter en juin 88, personne n'y croyait. Quand ils ont cherché, en fait, c'était des producteurs qui ont essayé de contacter Mark Friedman et Peter Laird et Kevin Eastman. Ils ont réussi à approcher à Golden Arrest après beaucoup de relances, mais personne n'y croyait. Et en fait, pour se rendre compte de la qualité de ce film, en fait, il faut se remettre dans son contexte. Le premier film est aussi sombre et aussi fidèle aux comics parce que la Turtlemania n'était pas encore arrivée. La Turtlemania, elle arrivait plutôt vers fin 88, début 89. Le film commençait à être en production. Le tournage était en juillet 89. Et c'est justement sur ces tensions-là que Steve Barron est parti de la post-production du film, parce qu'il y en avait marre qu'on lui dise « il faut rendre le film plus édulcoré ». Le film final aurait dû être encore beaucoup plus sombre et beaucoup plus intriguant, pas pour les enfants. Et c'est ce qui fait en fait de la suite des films, 91 et de 93, des films beaucoup plus légers. D'ailleurs, on le sent entre le 1 et le 2, il y a un changement de ton qui est, bah, c'est d'ailleurs Vanilla Ice qui débarque, qui fait son numéro. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment comprendre que la Turtlemania n'était pas encore arrivée quand ils ont lancé le film, et s'il était arrivé avant que ce film ne soit en projet, le film n'aurait pas du tout ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un ovni, c'est quelque chose de complètement à part. C'est l'équipe des cascadeurs de Sammo Hung, un des trois étoiles de l'Opéra de Pékin, dont on a parlé dans l'émission sur Jackie Chan, qui a fait les cascades des Tortues Ninja à l'intérieur. Pour revenir au costume, du coup, c'était un des paris parce qu'ils ont constamment lutté pour avoir de l'argent pour réussir à faire ce film. Ils ont réussi à faire ce film avec 13,5 millions de dollars. C'est un film indé qui a été détrôné seulement en 2002 comme film ayant le plus rapporté d'argent à l'époque. Et les costumes, c'était le grand pari, parce qu'au début, ils voulaient mettre des mecs maquillés. Et finalement, ils ont réussi à avoir Jim Henson et ses costumes, Jim Henson pour les Muppets notamment. Et c'est Steve Barron, en fait, qui a fait venir Jim Henson dans le projet, avec qui il avait déjà bossé à Londres l'année précédente. Et finalement, c'est tous ces éléments, le fait qu'on ait pu avoir une adaptation du comics, on reprend clairement les numéros du comics des Tortues, plus les costumes, l'ambiance, qui ont permis en fait de se faire ce film quelque chose. Corey Feldman, le petit garçon qu'on retrouve dans les Gremlins avec Billy et les Goonies. Oui, parce qu'il était drogué. Il prenait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de saloperies, oui. Et c'est lui qui fait la voix de Donatello. Ouais, en VO, ouais. Puis même tous les autres acteurs, c'est génial. Ils ont vraiment voulu avoir des acteurs new-yorkais, à l'accent new-yorkais, à la démarche new-yorkaise, pour vraiment donner plus de crédibilité aux tortues. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Initialement, ils pensaient prendre des grands acteurs super connus et affublés de maquillage ridicule pour faire venir le monde. On leur a dit, mais non, ces mecs-là, ils ne seront pas visibles. On met des mecs qui ne sont pas connus du tout, ça ne coûtera rien du tout. On essaie juste de leur donner un peu de crédibilité. Et le reste, on le fait sur les costumes, la beauté des costumes. Le tournage qui devait se faire à Hong Kong au début a fini par se faire en Caroline du Nord. Et ils ont réussi, en fait, à tirer des petites ficelles pour y arriver. 10 jours avant le début du tournage, ils n'avaient aucun producteur pour faire le film. La Fox avait eu un changement de direction à ce moment-là. Ils leur ont dit, non, finalement, on va pas s'en occuper. 10 jours avant le film, ils ont réussi à contacter la New Light Cinema pour leur dire, écoutez, on a besoin de quelqu'un pour présenter le film, est-ce que vous pouvez nous aider? Finalement, la New Light a accepté 10 jours avant le tournage. C'est la folie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce même temps, Kevin Eastman et Peter Laird se sont éloignés des planches de dessin, essaient de gérer tant bien que mal le studio et les différentes versions des Tortues Ninja sur papier. Et Sullivan Roux, les Tortues sur papier ont eu une continuité complètement différente dans les années 90. Ils sont passés par beaucoup de maisons d'édition déjà, dans les mains d'énormément d'artistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut retrouver les comics années 90, qui sont rarement les préférés des fans des Tortues. Oui, avec un Raphaël défiguré, enfin, je me rappelle de l'image comics. On a vraiment eu tous les concepts qu'on peut appliquer à des héros de comics ont été appliqués aux Tortues. Énormément d'artistes ont posé leurs pattes dessus. Il y a eu des interprétations très, très, très personnelles. On a des histoires qui sont tellement sombres qu'on dirait des graphic novels un peu avant-garde et tout. Mais c'est ce qui fait aussi sel des Tortues, parce qu'en fait, on revient toujours à ces grands codes dont on parlait tout à l'heure avec Philippe. Mais en même temps, toutes les expérimentations ont existé. Donc, moi, des fois, je rencontre des lecteurs, collectionneurs ultra passionnés comme peut l'être Lionel. Et leur comic book préféré de Tortues, ça va être quelque chose de très, très précis, qui dure à peine 2 numéros, qui est fait par tel ou tel artiste. On a des séries pas terminées aussi. Les Tortues en comics sont une histoire très complexe. Et surtout, la relation entre Eastman et Laird aussi a été complexe très vite, puisque très vite, il y a eu des sommes d'argent complètement délirantes. Enfin, très vite, non, parce qu'en fait, si on remonte à 84, il se passe quand même 4-5 ans où la licence devient licence. Après ça, on part sur des histoires d'argent délirantes, et c'est vrai que entre Eastman et Laird, ça n'a jamais été simple, et ils se sont rabibochés tout récemment, mais on sent que c'est un poil market et pas tout à fait prêt à retirer l'âge de garantie. C'est très market. La première règle de mon maître Yoshi était « Possède la pensée juste, alors seulement tu pourras recevoir les dons de la force, du savoir et de la paix. » J'ai essayé de canaliser ta colère, Raphaël, mais il t'en reste trop. La colère trouble la raison. Lorsqu'elle est rentrée, elle devient un ennemi invincible. Tu es unique parmi tes frères, car tu as choisi d'affronter cet ennemi tout seul. Mais lorsque tu l'affrontes, ne les oublie pas, et ne m'oublie pas, moi non plus. Alors, il y a eu un film, mais il y a eu d'autres séries, d'autres dessins animés. Il y a notamment eu la série de 2003 qui s'est achevée. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à la voir. Si jamais vous avez des enfants à partir de 6-7 ans, c'est parfait. Moi, je regarde ça avec mon fils et ma fille et on adore. Il y a eu la nouvelle série Rise of TMNT. En français, c'est le destin des Tortues Ninja, qui peut un peu rebuter à première vue en termes de look des personnages. Mais en termes d'animation, c'est absolument grandiose et malheureusement, série qui n'a pas été renouvelée, je crois, et qui s'achève là. Elle va s'arrêter, c'est dommage parce que c'est vraiment l'école Tartakovsky, enfin Genndy Tartakovsky, donc Primal récemment. Oui, Primal. Sur Adult Swim, qui est un chef-d'œuvre aussi, et puis Samurai Jack, et puis Star Wars Clone Wars. On est vraiment sur ses héritiers artistiquement. C'est vrai que c'est dommage, on pourra la regretter pour ces scènes d'animation complètement dingues, et quand on voit les storyboards, il y a vraiment de quoi, en tant qu'éditeur, se dire il faut éditer ce storyboard, il faut que les gens voient le travail qu'il y a derrière. C'est magnifique. Hein. Maintenant, c'est vrai que le design est hyper clivant. Les tortues ne sont pas toutes à la même taille. Raph, par exemple, est un espèce de Hulk dans leur équipe. Moi, ça me choque pas parce que les tortues ont toujours été réinterprétées de manière très très différente à travers l'histoire. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'aiment que les codes très fermés des tortues, des quatre avec juste les bandeaux et les armes pour les différencier, ça peut choquer. Et puis, je pense que pour le coup, ils sont peut-être allés un peu trop dans le côté science-fiction des tortues. Ils ont un peu trop délaissé le côté ninjutsu à New York. Et c'est dommage parce qu'il faut toujours avoir Shredder comme la pointe de la pyramide dans les Tortues Ninja, c'est la base. Et justement, Philippe Touboul, vous qui avez été traducteur de la version classique des Tortues Ninja, comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé après la nouvelle adaptation des films par Michael Bay où les tortues font 2 mètres, ont des bras musculeux? Elles avaient déjà survécu à Vanilla Ice, il y avait aucun problème quoi. Elles sont indestructibles. D'ailleurs, c'est comme il n'y a pas tant de licences que ça finalement qui arrivent à revenir puis revenir. Il y a eu Dragon Ball par exemple, il y en a quelques autres, mais c'est pas systématique. Ça vient, ça plonge, et puis souvent on oublie. Alors c'est vrai que de nos jours tout revient, mais pendant longtemps les licences qui étaient quasi éternelles comme ça, il n'y en avait pas tant que ça, et les tortues en font partie. À la différence que Dragon Ball, ça a pendant longtemps été des rééditions, alors que les Tortues Ninja, sous un médium voilà, ou un autre, sont toujours restés au devant. Même Batman a eu des moments où il sombrait un petit peu dans l'oubli, et alors que les tortues, il y a toujours eu une version qui était quand même à la pointe de quelque chose, que ce soit la série de 2003, puis Rise of TMNT. On n'a pas parlé du long métrage de 2007, je crois, d'animation. Oui, qui est très très bien, très très bien. Avec notamment mon fils a découvert avec ça, par exemple, la preuve que quelle que soit l'époque, quelle que soit la décennie, il y a toujours un truc qui permet aux jeunes enfants de tomber dans les tortues et de les apprécier. Quoi. C'est ce film dans lequel la rivalité entre Leonardo et Raphaël arrive au sommet et ils se battent sur le toit. Exactement. Il est très proche des BD aussi, très bien filmé. Bah, la rivalité entre Raphaël et Léo est enfin présentée en fait. Oui. On a toujours édulcoré la famille, surtout dans le dessin animé de 87 où Raphaël est un peu le comique au lieu d'être le mec un peu bougon bagarreur. Là, ce film, on voit enfin Léo et Raph se mettre dessus. Il l'avait déjà fait dans les comics. Je pense que c'est Peter Laird, d'ailleurs, qui avait demandé à ce que cette scène soit ajoutée. J'affirme rien du tout, j'ai pas vérifié. Mais ce film de 2007 est vraiment très très bon pour ce qu'il est. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. On ne sait pas d'ailleurs si on peut le prendre en tant que suite des 3 premiers de 90 à 93 ou en tant qu'univers à part entier. J'aurais bien aimé savoir ou pas. Je pense pas. Mais c'est vraiment un film excellent, oui, tout à fait. Est-ce que la continuité est si importante en fait? Non, je découvre qu'on puisse se poser la question par pas exemple. Du tout. Parce que pour moi, ce film, c'est la gemme cachée des Tortues Ninja. C'est vraiment le secret bien gardé des fans de tortues. Exactement. Et tout le monde sait. Et qu'on peut trouver très facilement en DVD. Ouais. Bon, je pense qu'à 1 euro sur les sites d'occasion. Le fait est que c'est rebooté en permanence, comme dans la BD traduite actuellement par les excellents iComics. Mais justement, parlons-en parce que cette série. Je lis du comic book depuis que je suis tout petit, j'ai jamais arrêté, et tout éditeur confondu, je trouve que cette série en particulier, et c'est ce qui se fait de mieux. Si on a aimé l'âge d'or de Spider-Man, de Batman, de Superman, je trouve que c'est le véritable intérêt d'un comic book, on peut le trouver dans cette série, des Tortues Ninja qui paraît en ce moment. Est-ce qu'on peut parler des dessinateurs, des auteurs notamment, Ils sont légion, mais déjà ça me fait très très plaisir que tu dis ça et que. Et parce que ça m'énerve parce qu'on le lit pas assez. Et je pense en tant qu'éditeur de cette série en être le meilleur exemple puisque moi-même j'ai mis plusieurs années à aller la lire. Quand à l'époque j'étais journaliste, j'avais dans ma rédaction des gens qui étaient très très fans de cette série. Et je sais pas pourquoi j'étais bloqué par l'effet Barbapapa de oh mais les tortues, les reboots, c'est bon, il y en a marre, ça va toutes les 5 minutes et tout. Le début de la série était graphiquement un peu hésitant par rapport à ce que ça devient très vite. Et c'est vrai que beaucoup de gens la boudent et la boudent encore aujourd'hui par peur d'avoir un truc trop régressif ou j'en sais rien ou de pas oser, les tortues on connaît, il n'y a pas besoin d'y retourner et tout. Et pourtant, je le dis de manière très définitive, c'est la version ultime des Tortues Ninja. Elle reprend toutes les excellentes idées qu'on a citées depuis tout à l'heure qui sont arrivées des fois en jeu vidéo. Il y a des super hommages à Turtles in Time par exemple, en film, en dessin animé, dans les jouets aussi par exemple. Ils même les bandes rouges. Moi j'avais bien aimé au début. Le fait est que ça commence, ils ont tous c'est les quatre. C'est la meilleure idée ça. Tous les quatre le bandes rouges. Et ils expliquent le changement de couleur. Ils expliquent pourquoi ils changent, c'est pas pour vendre des jouets aux enfants. C'est ça, en fait, ils vont anoblir et rendre plus romantique plein de choses qui, en fait, à l'époque, étaient très industrielles et qui étaient des choix de Hasbro et des gens qui faisaient les toys. Tout en gardant donc cette idée de la réincarnation, donc en vraiment en remettant le Japon féodal au centre du truc, mais en s'occupant aussi de la science-fiction, des Mutanimals, donc les X autres mutants, des chats, des pigeons avec Pigeon Pete qui est un personnage incroyable, des lézards, d'autres tortues, une cinquième tortue, enfin, j'en passe et des meilleurs. Alors tu parles pas des auteurs, excuse-moi, mais on peut quand même dire que Eastman participe. Eastman participe et je pense que c'est le meilleur terme qu'on peut lui c'est filer parce qu'en fait c'est écrit par Tom Vance. On n'a pas dit mais ils ont tous les deux vendu leur part il y a bien longtemps. Qui a Nickelodeon, qui c'est ça. Mais on va continuer d'en parler après le jeu parce que dans quelques instants c'est le moment du jeu. Mais pour le moment on va écouter Rosalia et Travis Scott avec TKN. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Teque, teque, teque. Ni un amigo nuevo ni una haría. Teque. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, Gaspar Noel. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta. Teque, teque, teque, teque, teque. Ni un amigo nuevo ni una haría. C'était Rosalia et Travis Scott, Taken. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Loïc au téléphone. Bonjour Loïc. Bonjour Frédéric. Est-ce qu'on a affaire à un fan des tortues ninja, j'ai l'impression. Oui, plutôt, mais plutôt le côté. Moi, je les ai découverts plutôt sur la partie film et dessin animé, et puis les adaptations qu'il y a pu avoir en jeu vidéo, notamment, que en comics. Et Loïc, il faut lire le comic book, voyons. Ben, je vais m'y mettre, du coup. Parfait. Je vais être obligé de rattraper mon retard. Parfait. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous connaissez le principe du jeu ? Oui, je connais le principe du jeu. C'est facile. Une question, 20 secondes pour répondre. Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire une des personnes autour de la table qui répond à votre place. Parfait. On y va. Première question. D'après vous, quelle est ma tortue préférée ? Ah oui, quand même. Raphaël. Évidemment, évidemment. Ouais, je me disais qu'il y avait suffisamment d'émissions pour que les gens puissent très vite calculer. Oui, c'est Raphaël. Il y a pas de voilà, je suis pas très surprenant là-dessus. Question suivante. C'est mon préféré aussi. Ah bah oui, non, évidemment, évidemment, le badass. Voilà. Question suivante. Combien existe-t-il à ce jour d'adaptations séries des Tortues Ninja? 4, 6, 9. Adaptations, on parle vidéo ou uniquement comics? Non, non, on parle de séries. De séries. De séries. 4. Vous êtes sûr? Il me semble que c'est 4, ouais. Eh bien, c'est faux. Nous considérons ici toutes les adaptations séries, qu'il s'agisse de séries d'animation, d'OAV ou encore de live action. Donc, il reste 6 ou 9. Est-ce qu'on fait appel à un joker? Bon, on va faire appel à un joker. Ouais. Alors, Sullivan Rouault, Philippe Touboul, Lionel Viana Correa? Lionel. Lionel. J'aurais dit 6. Eh bien, c'est vrai! Bonne réponse! Il y a la série d'animation de 1987, l'OAV japonais de 96, la série live action de 1997, la deuxième série d'animation de 2003, la troisième série d'animation de 2012 et la quatrième série d'animation de 2018 en cours de diffusion. Et il y a une deuxième série en live action qui est en préparation pour la chaîne CBS All Access, voilà, pour bientôt. Dernière question. Il y a un grand créateur qui a travaillé sur le tout premier générique des Tortues Ninja en dessin animé et il a fait une autre série. Saurez-vous reconnaître le générique de cette série? State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Alors? Non. Non? Non. On fait appel à un joker? Alors, pardon? On fait appel à un joker? Ah, on fait appel à un deuxième joker. Sullivan Rouault ou Philippe Touboul? Sullivan. Sullivan. C'est Big Bang Theory? Big Bang Theory, et oui, Chuck Lorre. Chuck Lorre qui a commencé dans l'animation et devait initialement travailler, on lui avait proposé de travailler sur la série Les Tortues Ninja et il était occupé, mais il a au moins travaillé sur le premier générique et dans la version anglaise on peut même entendre sa voix. Donc voilà, vous le saurez désormais, l'auteur de Big Bang Theory est un véritable geek qui a commencé avec Les Tortues Ninja également. Eh bien vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ah bah super, ça va être faire des bonnes parties à la maison. Tant mieux. Merci à vous Loïc. Merci Frédéric, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Alors, on parlait donc de la bande dessinée. Rapidement, on n'a pas cité l'auteur quand même de cette bande dessinée. Parce qu'ils sont beaucoup. Donc effectivement, au scénario, on va voir Kevin Eastman qui va chapeauter un peu tout ça. En fait, Peter Laird s'est retiré complètement de la licence Tortue depuis la vente à Nickelodeon, tandis que Kevin Eastman n'en a plus fini de compter les billets de ce que lui rapportent les royalties de toutes les itérations des Tortues. Il a beaucoup dépensé aussi. Il a énormément dépensé. Donc, et c'est vraiment un personnage haut en couleur. Hein. Pour l'avoir croisé un paquet de fois, c'est un personnage vraiment haut en couleur. Très intéressant dans le côté success story et tout ça, puisqu'en fait, moi gamin, j'ai l'impression que les Tortues c'était aussi gros que Star Wars et Batman. En fait, non, le mec, c'est de son vivant en tant qu'artiste de comics passionné par Alan Moore et Jack Kirby qu'il est devenu ce multimillionnaire qui a créé une licence absolument délirante. Et donc, Monsieur Eastman chapote, c'est Tom Waltz qui va scénariser. Tom Waltz, au départ, il est éditeur chez IDW, donc la maison d'édition américaine qui édite les Tortues Ninja. Donc les Teenage Mutant Ninja Turtles 2012, comme on les appelle. En fait, ont été lancés en 2011, en août 2011, mais je sais pas pourquoi le code pour nous 2012. Dans le métier, c'est 2012. Donc Tom, en fait, qui était aussi éditeur, est devenu scénariste, a fait plus de 100 numéros sur la série, accompagné par un autre éditeur qui s'appelle Bobby Curnow, qui l'a aidé, qui était en fait son collègue chez IDW. Et après, on a tout un parterre de dessinateurs. Donc on va avoir Ben Bishop, Andy Kuhn, Dave Washter et d'autres. Ouais. Sophie Campbell aussi, qu'il faut absolument Sophie citer, Campbell. Qui Sophie fait Campbell. Des tomes... incroyable, et surtout un dessinateur brésilien qui s'appelle Matheus Santoluco, qui est voilà. l'arme fatale de cette voilà. série, qui est un des plus grands dessinateurs de comics bien de voilà. son époque. On arrive à la fin de l'émission, donc vous réécouterez en podcast, il faut retrouver ce dessinateur. Matheus Santoluco. Merci Sullivan Rouault, merci Lionel Viana Correa et Philippe Touboul. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Comment vous avez fait pour entrer? Oh, voilà, le tunnel nord laisse à désirer côté sécurité. On a dû nager un peu, mais... Vous avez pas l'air dispo pour une critique constructive, là, je le sens bien.